Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Wawada'na 'anka wizrak. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? Alladhi anqadha dhahrak. Qui accablait ton dos. Wa rafa'na laka dhikrak. Et exalté pour toi ta renommée. Fa inna ma'al 'usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. Inna ma'al 'usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quand tu te libères, donc, lève-toi. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Et à ton Seigneur, aspire.